Chapitre 15. Ce n'était pas seulement Angélique qu'on montrait que tout le monde, dans la maison, savait à quoi s'en tenir sur son intimité avec son voisin. Le voisin lui-même recevait des avertissements du même genre. Mais comme il avait un port de tête qui tenait les gens à distance, on les lui adressait moins direct et moins précis, n'attendant pour continuer qu'un mot de lui qu'il ne disait pas d'ailleurs. Un soir, qu'il rentrait plus tôt que de coutume, une voisine, sans lui parler franchement, lui avait dit au moment où il passait devant elle « Elle est sortie, mais elle va rentrer tout de suite, elle est en cheveux. » Une autre fois, le concierge, à qui il demandait la réparation d'une serrure, lui avait dit tout d'un coup, sans aucun à-propos, en clignant de l'œil « C'est une bien bonne personne que mademoiselle Angélique, bien rangée. Vous savez, il n'y a jamais eu rien à dire sur son compte, rien de rien. » Pourquoi ces gens se permettaient-ils de lui parler ainsi? Est-ce qu'il leur demandait quelque chose? Il n'avait pas besoin de leurs observations pour savoir ce que valait Angélique. Il la connaissait mieux qu'eux, sans doute. Bonne personne, oui, elle l'était. C'était même cette qualité, la bonté, que tout d'abord il avait remarquée en elle. Elle avait été bonne, très bonne pour lui. Elle l'avait bien soignée. Elle avait eu des attentions, des délicatesses, un dévouement qui affirmait ses qualités de cœur, et même pour les petites choses de la vie quotidienne, il était évident qu'on pouvait compter sur elle. C'était cela qui l'avait frappé, bonne fille. Mais quand l'habitude avait effacé ce qu'il y avait de répulsif, pour un homme tel que lui, dans ce mot, une ouvrière, il s'était aperçu que comme femme elle n'était pas trop mal, et même mieux que bien des pauvres filles qu'il avait tirées de la misère pour les lancer dans la galanterie, la baronne de Saint-Hubert et bien d'autres. Un peu âgée seulement, car lorsqu'il avait été chercher une de ces filles-là, il l'avait prise toute jeune. Mais alors, sa situation lui permettait de mettre le prix à ses caprices, ce qui n'était plus son cas présentement. Un peu effacée aussi, un peu terne, manquant de brillant, d'entrain, d'enlevé. Mais on ne peut pas tout avoir. Et elle avait une rondeur de corsage et de hanches tout à fait provocante d'abord, des dents étincelantes et des lèvres roses, des yeux tendres. Enfin, quelque chose de frais et de sain, de ferme assez extraordinaire chez une Parisienne enfermée. Et puis, il avait produit sur elle une impression profonde, une sorte de coup de foudre, ce qui ne l'étonnait pas du tout. D'ailleurs, car il était habitué à cela. Mais enfin, ce qui lui était agréable lui montrait que quand il la voudrait, il n'aurait qu'à la prendre. Si pauvre fille qu'elle fût, si humble, elle donnait là une preuve d'intelligence et de goût qui ne pouvait que le bien disposer envers elle. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour voir combien cette impression était vive. À la façon dont elle l'écoutait, au regard qu'elle attachait sur lui, à l'émotion qu'elle manifestait lorsqu'il était en retard, aux attentions, aux prévenances qu'elle avait, à la crainte qu'elle montrait de lui déplaire, on voyait de reste que c'était une fille au cœur touché dont on ferait ce qu'on voudrait quand on voudrait. Mais justement, les choses étant ainsi, il ne lui plaisait pas de commencer. C'était à elle de venir à lui. Cela l'amuserait, et même, pour être franc, cela le flatterait, de la part d'une jeune fille modeste et réservée comme celle-ci. Il y avait là quelque chose de piquant, de drôle. Combien de fois avait-il cru que sa réserve allait être vaincue? Renversée dans son fauteuil, il la regardait tourner auprès de lui. Elle parlait sans raison. Elle se taisait tout à coup pour se plonger dans de longs silences, les yeux alanguis, la respiration embarrassée, les mains agitées. « Allons, se disait-il, elle va venir, encore un peu, allons, mais elle ne venait pas. »« Elle a tout de même diablement de la vertu, se disait-il, et il était encore plus flatté que fâché de cette vertu. » Au lieu de tomber aux mains d'un être grossier, d'un animal de sa condition, avoir pour amant un homme comme lui, c'était une belle chance qu'elle ne pourrait se rappeler qu'avec bonheur. Se sentant trop timide chez elle, c'était pour s'enhardir qu'elle avait organisé ses parties de campagne. Mais chose étrange, elle n'avait pas eu plus de hardiesse dans les champs que dans la chambre. Tendre, oui, aussi tendre que possible dans la parole, dans le silence, dans les regards, mais la tête perdue, non. Il lui en imposait donc bien. Il ne se mettait pas assez à sa portée. Il faudrait qu'il s'arrangeât pour la dominer moins, l'intimider moins de sa supériorité. Il daigna descendre de cette sereine supériorité, mais à sa grande surprise, cela ne produisit aucun effet, ou en tout cas, ce qui se produisit fut contraire à ce qu'il attendait. Elle ne fut que plus timide, plus réservée encore, et moins il voulut lui faire peur, plus il parut lui faire peur. Voilà qui était extraordinaire, vraiment. Il vint un moment où cette attente prolongée l'ennuya. Cela finissait par être ridicule. Il y a des natures lâches qui ne peuvent pas se décider à ce qu'elles désirent le plus ardemment. Eh bien, il l'aiderait à se décider. Après tout, personne de son monde ne saurait qu'il avait eu cette pauvre fille pour maîtresse. Il n'était pas homme à retarder une résolution arrêtée. Le soir même du jour où son parti fut pris, il ne regagna pas sa chambre à l'heure où il se retirait ordinairement. Pendant la soirée, il s'était montré plus expansif que de coutume, et l'émotion d'Angélique, son trouble, son bonheur, s'était trahie au dehors de façon à ne pas laisser de doute possible. Elle était à lui. Il n'avait qu'un mot à dire. Ce serait vraiment trop de vanité de le retenir. Il devait parler pour elle, puisqu'elle était incapable de parler elle-même, la pauvre fille. Et puis, l'émotion de cette fille était passée en lui. À la regarder, toute troublée, son cœur s'était mis à battre plus vite. Il ne raisonnait plus, il ne calculait plus. Il la voyait devant lui, à trois pas, frémissante, et il la voyait jolie, provocante dans son innocence comme il ne l'avait jamais vue jusqu'à cette heure. Après avoir beaucoup bavardé et presque tout seul, car elle ne pouvait guère lui répondre de temps en temps que quelques mots vibrants, il s'était tu tout à coup, et en silence s'était établi qui paraissait étouffer Angélique. Sans doute, elle voulut secouer la langueur et la gêne qui la paralysaient, et quittant son travail, elle se leva. « Comme vous êtes aimable, dit-elle, de ne pas rentrer encore chez vous et de prolonger cette bonne soirée. » Il ne répondit pas, mais levant les yeux sur elle, il l'examina. Il était dans son fauteuil et elle se tenait devant lui, le regardant. Lui, plus bas, éclairé en plein par la lampe, tandis qu'elle, debout, avait le visage dans l'ombre. Ils restèrent ainsi assez longtemps, sans qu'elle pensât à avancer ou à reprendre sa place, la tête perdue évidemment, les oreilles bourdonnantes, les yeux égarés. Enfin, il se décida. « Et si je ne rentrais pas, cette nuit, chez moi ?» dit-il en coupant chaque membre de sa phrase, et le regarda effaré. « Si je restais » continua-t-il en précisant. « Mon Dieu » s'écria-t-elle avec un cri dans lequel il y avait autant de bonheur que d'effroi. Il continua. « Dans la maison, tout le monde dit, tout le monde croit que vous êtes ma maîtresse. On vous l'a assurément fait comprendre, comme on me l'a fait sentir. Pourquoi cela ne serait-il pas ? Ah, je vous en prie, ne dites pas cela ! Et pourquoi ? Vous m'aimez ? Croyez-vous que je ne sache pas que vous m'aimez ? Me direz-vous, vous, si sincère, que je me trompe ? » Il avait avancé le bras, il lui avait pris la main. À ce contact, elle défaillit. Et comme, lorsqu'elle revint à elle, elle se cacha le visage en pleurant. « Pourquoi pleurer, mon enfant » dit-il. « Ce n'est pas le pauvre M. Passereau que vous aimez, c'est le comte de Mussidan. » Et comme elle le regardait, plus éploré encore. « Ce nom que je vous livre, dit-il, vous montre l'estime que j'ai pour vous, mais il ne faudra le répéter à personne. »